avec moi que je lève au dos d'âne. Si je te parle plus, c'est que je te fais une aubaine. N'a pas mis quel game, reste dans ton programme. Pour la machine, on reste oublié comme les Biggie. Pas de guerre à la Tupac et Biggie. Faut qu'on voit le avec Ribibi. T'as l'âge de te marier, tu penses à Bibi. Je reste qu'avec mon équipe. Je reste qu'avec mon équipe. Passe-moi le mic, je découpe. Je te zappe en équipe. Un STO dans les parages. Volant Alcantara. Elle veut mon num, je suis dans l'embarras. Fais le signe jusqu'à Ankara. La robe et le mascara. En bombe, elle cherche un garage. En toll, ça cherche des garages. Des petits pour faire des paras. Cet album de côté, bref. Tout problème dans le compte épargne. Quand tu fais le tournis sur les réseaux. Après, tu vas pleurer pour qu'on t'épargne. Si vous m'avez rappé, c'est blessé. Alors, les gars, sur moi, comptez pas. Faut pas oublier qu'au départ, sur moi, vous-même faisiez des débats. Pour les fils de pute, j'ai du dégoût. Internet, pas pour moi, je me déco. Quand j'ouvre les yeux, frère, je te découvre. Tes actions aimeraient sur le dégoût. Je sais même pas ce que je vais faire demain. Je vais où le vent me mènera. Je savais pas, moi, je suis pas devin. Des fois, je fais n'importe quoi. Je vais où le vent me mènera. Des fois, je fais n'importe quoi. Pas le fou, pas le fou. Y'a toujours plus fou que toi. Un mot traverse, ça fait des trous. Les jeunes, ils s'en foutent des fois. Pas le fou, pas le fou. Y'a toujours plus fou que toi. Un mot traverse, ça fait des trous. Les jeunes, ils s'en foutent des fois. J'insulte tout et elle aussi. On sort dans les bras quand j'arrive. Un peu d'amour et on oublie la guerre. RDV quelques mois plus tard. Je suis tellement à la rame. J'ai paniqué mon couple à la junk. J'suis pas rano, demande à la gratte. J'suis pas trop télé, pas trop radio. Si tu me vas court vite comme Sadio, t'as fait les pecs, j't'arrache la tête. Et si tu me casses la tête. Ça reviendra pour faire la fête. J'suis ni A et E non. J'ai réfléchi quelques temps. J'me suis dit c'est pas bien ce qu'ils me font. Ils ont touché le fond. Au début j'traînais dans la rue. Après j'racontais ce que j'vivais dans la rue. Et ça m'a rémunéré. La machine le crack l'héros. C'est pire que Rio de Janeiro. C'est moi-même mon seul ennemi. C'est moi-même mon seul héros. J'te fais coucou, j'sorte la lime. On fait la photo, j'taille à balle. Elle sait que j'ai mon bijou à la maison. Mais quand même, elle me fait sa belle. Hein. J'sais même pas ce que je vais faire demain. J'vais où le vent me mènera. J'savais pas, moi j'suis pas devin. Des fois j'fais n'importe quoi. J'vais où le vent me mènera. Des fois j'fais n'importe quoi. Pas le fou, pas le fou. Y'a toujours plus fou que toi. Un mot traverse, ça fait des trous. Les jeunes, ils s'en foutent des fois. Pas le fou, pas le fou. Y'a toujours plus fou que toi. Même au travers, ça fait des trous. Les jeunes, ils s'en foutent des fois. Pas le fou, pas le fou. Y'a toujours plus fou que toi. Même au travers, ça fait des trous. Les jeunes, ils s'en foutent des fois. Pas le fou, pas le fou. Y'a toujours plus fou que toi. Même au travers, ça fait des trous. Les jeunes, ils s'en foutent des fois.